Attention mesdames et messieurs, cette chanson c'est une chanson qui parle des billets de comptoir. Car sans les billets de comptoir, eh ben le bar ne tiendrait plus debout. Et ça fait... 2, 1, 2, 3, 4, let's go. On l'a parcouru des contrées lointaines, s'arrêtant dans plein de tavernes, parlant loin plein de personnages, ayant des voix douces et si sages. Ils ont les yeux remplis de vécu, ils vident leurs poches de leur écu, de leur tenue saugrenue. Ils crient, patron, serre-moi la petite sœur, tu sais ma seule histoire de cœur, c'était pas une blonde ou une russe, c'était plutôt mon infarctus. Ne mets pas l'eau dans le vin, tu sais ce n'est pas très chrétien, tant que tu vois encore tes mains, que tu finis pas au turbin. Ils ont fait les fermes de tous les troquets, ils ont même le dos voûté à force de salir le comptoir et débiter toutes leurs histoires. Pas souvent de famille, d'argent, de politique et de religion, quand les grands esprits se rencontrent et ils crient, patron, serre-moi la petite sœur, tu sais ma seule histoire de cœur, c'était pas une blonde ou une russe, c'était plutôt mon infarctus. Ne mets pas l'eau dans le bain, tu sais ce n'est pas très chrétien, tant que tu vois encore tes mains et que tu finis pas au turbin. Et lorsque la musique est au rendez-vous, il arrive aussi parfois que ces hommes-là, ils dansent. Ces hommes, ils ont le cœur sur la main sur ton épaule. Si quelque chose te turlupine, ils n'ont pas peur de la routine. Ils boiront à ta santé, à la santé du monde entier. Et dès qu'ils ont un coup dans le nez, ils crient, patron, serre-moi la petite sœur, tu sais ma seule histoire de cœur, c'était pas une blonde ou une russe, c'était plutôt mon infarctus. Ne mets pas l'eau dans le vin, tu sais ce n'est pas très chrétien, tant que tu vois encore tes mains et que tu finis pas au turbin. Attention mesdames et messieurs, pour trouver ces gens-là, vous n'aurez pas trop de grandes difficultés en effet, car ça se trouve juste derrière vous, il s'en trouve un. Et lorsque vous vous retournerez, et que vos regards se croiseront, ensemble vous crierez... Patron, serre-moi la petite sœur, tu sais ma seule histoire de cœur, c'était pas une blonde ou une russe, c'était plutôt mon infarctus. Ne mets pas l'eau dans le bain, tu sais ce n'est pas très chrétien, tant que tu vois encore tes mains, tu finis pas au turbin. Patron, serre-moi la petite sœur, tu sais ma seule histoire de cœur, c'était pas une blonde ou une russe, c'était plutôt mon infarctus.